أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. La recommandation de se rappeler la mort et de s'y préparer par les bonnes actions. Le législateur suprême a incité à se rappeler la mort et à s'y préparer par de bonnes œuvres. D'après Ibn Omar, radiallahu anhu, j'allais voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et trouvait avec lui une dizaine de compagnons. Alors un homme des Ansar se leva et dit « Ô envoyé d'Allah, qui parmi les gens est le plus sagace et le plus à poigne ?» Il répondit « Les plus prompts à se rappeler la mort et à s'y préparer. Ceux-là ont gagné la dignité ici-bas et l'honneur dans l'au-delà. » D'après lui également, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rappelez-vous constamment de ce qui brise les plaisirs, la mort. » Rapporté par Tabarani a rapporté ces deux hadiths selon une chaîne de transmission assez bonne. D'après Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a interprété la parole d'Allah, azza wa jal. Si Allah veut guider quelqu'un, il lui fait aimer l'islam. Il l'a interprété ainsi. Si la lumière entre dans le cœur de l'homme, il s'épanouit et se réjouit. Comment peut-on arriver à cette lumière? Lui demandèrent les hommes. Se présenter instamment la vie de l'au-delà, se détourner des plaisirs éphémères d'ici-bas et se préparer à la mort avant son terme, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est réprouvable de souhaiter sa mort. Il est détestable que l'homme souhaite sa mort lorsqu'il est pauvre, malade ou éprouve un malheur ou quelque chose de semblable. La plupart des ulamas ont rapporté que d'après Anas, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un de vous ne souhaite pas la mort à cause d'un mal qui l'a frappé. S'il doit absolument le faire, qu'il dise « Seigneur Allah, laisse-moi en vie tant que la vie est pour moi un bien et fais-moi mourir si la mort est meilleure pour moi. » Unanimement reconnu authentique. On tire la sagesse de cette interdiction du hadith de al-Fadl, radiyallahu anha. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré chez Abbas, radiyallahu anhu, alors que ce dernier était très malade, se plaignait et désirait la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Oh Abbas, oh oncle de l'envoyé d'Allah, ne souhaite pas la mort, car si tu es un homme de bien, tu auras ainsi l'occasion d'accroître le bien à ton actif, et si tu es un homme de mal, tu auras l'occasion de te repentir et d'échapper au courroux d'Allah. Et c'est également un bien pour toi, ne souhaite jamais la mort. » Ahmad et Hakim, rahimahumullah, ont rapporté ce hadith. Hakim a dit qu'il est authentique selon les conditions de l'imam muslim, rahimahullah. Il est permis à celui qui craint la corruption de sa foi de souhaiter sa mort. Il est permis à celui qui craint la corruption de sa foi de souhaiter sa mort. On avait retenu, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'invocation suivante. « Seigneur, je te demande de m'exhorter au bien, de m'éloigner des mauvaises actions, de m'inspirer l'amour des pauvres, de m'absoudre, de m'accorder miséricorde et, si tu décides de corrompre la foi de mon peuple, de me rappeler à toi sans corrompre ma foi. Je te demande de m'appeler à t'aimer, à aimer ceux qui t'aiment et à désirer toute action qui rapproche de ton amour. » Rapporté à At-Tirmidhi, rahimahullah, a rapporté ce hadith et l'a considéré comme bon et authentique. Dans le livre Al-Mu'atta, qui est une petite note de moi-même, Al-Mu'atta est la compilation de l'imam Malik, rahimahullah. Donc, dans le livre, le Mu'atta, d'après Omar, radiallahu anhu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait invoqué ce qui suit. « Ô Seigneur, mon âge est avancé. Mes forces ont faibli et mon règne s'est étendu. Rappelle-moi à toi avant que je faille à mes devoirs. Le mérite d'une vie longue pleine de bons actes. Abdurrahman ibn Abu Baba'at, radiallahu anhu, excusez-moi pour la mauvaise prononciation, rapporte que d'après son père, un homme a demandé. Ô messager d'Allah, quel homme est le meilleur ? Celui qui mène une vie longue pleine de bons actes, répondit le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et quel homme est le plus mauvais, redemandèrent-ils ? Celui qui mène une vie longue pleine de mauvais actes, répliqua-t-il. Ahmad et At-Tirmidhi, rahimahumullah, ont rapporté ce hadith. At-Tirmidhi l'a considéré comme bon et authentique. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Voulez-vous que je vous informe qui est le meilleur d'entre vous ?»« Certes, ô envoyé d'Allah, répondirent-ils, les meilleurs parmi vous sont ceux qui, à une longue vie, allient de bonnes actions. » Ahmad et d'autres ont rapporté ce hadith selon une chaîne de transmission authentique. « Les bons actes avant de mourir sont signes de la bonne fin. » Ahmed, At-Tirmidhi, Hakim et Ibn Abbas, rahimahumullah, ont rapporté, d'après Anas, radiyallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsqu'Allah décide d'accorder du bien à un homme, il l'emploie. Comme on s'enquérait à quoi il l'emploie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Il lui inspire d'accomplir une bonne action avant sa mort, puis le rappelle à lui. » Il lui inspire d'accomplir une bonne action avant sa mort, puis le rappelle à lui. La recommandation d'avoir bonne foi en Allah. Le malade doit se rappeler toujours la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et avoir bonne foi en lui. D'après ce que Muslim rahimahullah a rapporté, d'après Jabir radiallahu anhu, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire 3 jours avant de décéder qu'aucun de vous ne meure sans avoir bonne foi en son Seigneur. Le hadith pousse à multiplier l'espérance en Allah Azza wa Jal, à souhaiter le pardon d'Allah Azza wa Jal. Considérez le meilleur chez Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui, le généreux, qui aime le pardon et l'espérance. Ibn Majah et At-Tirmidhi, rahimahumullah, ont rapporté d'après Anas, radiyallahu anhu, selon une chaîne de transmission bonne, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit à un homme qui mourait, « Comment te sens-tu ? » Il dit, j'espère la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et je crains pour mes fautes, répondit l'homme. Le messager d'Allah lui dit alors, sallallahu alayhi wa sallam, tout adorateur qui réunit dans son cœur 2 choses, l'espoir et la crainte. Pendant son agonie, Allah lui donnera ce qu'il espère et le rassurera de ce qu'il craint. La recommandation d'invoquer Allah pour l'agonisant. Il est recommandé que les pieux assistent à la mort des gens pour invoquer Allah Azza wa Jal en leur faveur. Ahmad, Muslim et les auteurs des livres Sunan ont rapporté d'après Salama que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Si vous vous trouvez auprès d'un malade ou d'un mort, dites du bien, car les anges confirment vos dires. » En demandant à Allah de les exaucer. Salama radiallahu anha ajoute, lorsque Abu Salama décéda, j'allais trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'en informer. Alors il me recommanda, dis, Seigneur, pardonne-moi et pardonne-lui et accorde-moi une bonne suite après lui. Salama radiallahu anha continua, j'observais cette invocation et Allah m'accorda une meilleure issue. Muhammad m'épousa. Dans le Sahih de Muslim, rahimahullah, d'après elle également, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est entré chez Abu Salama, radiallahu anhu. Il avait les yeux grands ouverts. Alors le messager les lui ferma et dit « Lorsque l'âme se sépare du corps, les yeux suivent l'âme. » Des membres de sa famille se mirent à hurler. Alors il leur dit « Sallallahu alayhi wa sallam, n'invoquez Allah que par de bonnes invocations, car les anges disent « Amin » après vos invocations. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite « Oh Allah, pardonne à Abu Salama, accorde-lui le degré des pieux, supplée-le auprès de sa progéniture, pardonne-nous et pardonne-lui, ô Seigneur de l'univers, élargis-lui sa tombe, illumine-lui sa tombe. » Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.